On va parler de hockey senior avec Bob Desjardins. La nouvelle ligue senior du Lac-Saint-Jean est maintenant officielle. Hier, il y a eu l'Assemblée générale de fondation, comme on pourrait dire. Tous les règlements généraux ont été adoptés hier par les quatre formations. Question de savoir un peu comment ça va fonctionner, comment les règlements, la saison, quand est-ce qu'elle va ouvrir, on lui parle. Salut Bob! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bob, finalement, le projet a accouché hier, comme on dirait. Le bébé a accouché hier. Oui, c'est ça. C'était quand même d'une façon quand même assez officielle, mais hier, on a mis ça sur table. Puis écoute, on a, comme tu as dit, c'était notre assemblée générale annuelle. Et puis, on a passé beaucoup la constitution, le livre de règlement. Ça a été adopté à l'unanimité. Fait que on est prêt là, pour un départ. Là, si on parle, là, peut-être le 13 octobre, vendredi le 13 octobre, il devrait avoir peut-être les premiers matchs. OK. Commencer dans la Ligue de hockey senior du lac au fleuve, on l'appelle. Pas la Ligue senior régionale, on va appeler ça la Ligue de hockey senior du lac au fleuve. OK. Évidemment, c'est parce qu'il y a des équipes, il y a quatre équipes, c'est ça? C'est parce qu'il y a des équipes dans Charlevoix, puis il y a des équipes sur la côte nord. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça du lac au fleuve. C'est un beau nom, pareil? Oui. Ben, moi, je trouve ça que vous te gardez, écoute, ça m'a allumé tant que ce nom-là est sorti. Puis, garde, écoute, c'est ça qu'on voulait faire, une ligue régionale de ce côté-là, qui touche un petit peu au lac et au fleuve. Alors, c'est toute une normalité de mettre ça ensemble. Puis, garde, écoute, je pense qu'hier, disons qu'on dit tout le temps tout nouveau, tout beau, mais je pense qu'à date, tout le monde s'entend très bien. Puis, il y a une bonne chimie à l'entour de la table. Les quatre équipes veulent travailler ensemble pour faire un succès de cette ligue-là. Alors, je pense que c'est bon pour nous autres. On est très heureux là, de faire. Moi, je suis très heureux de partir ça. Puis avec ces gens-là, puis je pense que c'est des gens qui sont intéressants, c'est des gens qui sont dévoués puis qui veulent vraiment que le projet marche. OK. Dis-moi, pourquoi il n'y a pas eu d'autres formations? Parce qu'on parlait de l'Abbé puis on parlait d'Alma un moment donné. Est-ce qu'eux autres ont décidé finalement d'attendre un peu, de laisser passer la première année? Ben, j'aurais pu peut-être en avoir d'autres. Partir une ligue, là, quand tu pars une ligue là, sur Xbox là, ou sur PS4, là, c'est tout le temps. Tout le monde sont bien contents, tout le monde veut l'embarquer. Puis après un mois, la ligue à ferme, la ligue à l'âge, ou peu importe. Alors moi, c'était pas le mandat que je voulais faire. Je voulais vraiment avoir des équipes. Je dis pas que l'Abbé et Alma n'étaient pas sérieux. Sauf que ça tardait un petit peu à avoir un petit peu l'avancement de ce côté-là. Alors, tant qu'à partir, puis que. Dans deux mois, ils ont de la misère à avoir des joueurs où on a des problèmes. Alors, je voulais pas que ça arrive, parce que dans ce temps-là, ça donne une mauvaise presse ou une mauvaise opinion de notre ligue. Okay. Va avoir quatre bonnes équipes en santé. C'était le plus premier de ça. Puis après ça, mais regarde, avec l'avenir, là, on verra de ce côté-là, après ça, qu'est-ce qui va arriver. OK, justement. Mais on s'entend-tu pour dire que c'est vraiment une année de rodage, puis c'est l'an prochain, vraiment, là, que tout va se mettre en branle, ou vraiment on peut dire que c'est vraiment cette année. L'important, c'est de démarrer cette année. Là. Bien, comme je dis, depuis le début qu'on se parle, ouais. L'important, c'est vraiment de partir de la ligue. Et puis, avec ça, ben, on va s'ajuster. C'est sûr qu'il va y avoir sûrement des correctifs à faire au courant de l'année. C'est normal, toute bonne ligue a des petites erreurs, des fois de parcours. Mais regarde, écoute, on espère qu'on n'en aura pas trop. Puis qu'on va s'ajuster à temps et lieu. Puis que l'avenir de la ligue, ben, va être à long terme. On vise, pour l'instant, on vise le court terme. Là, le but de ça, c'est de la faire année après année. Parce qu'on a en masse de joueurs d'hockey senior dans la région. Puis c'est moi, je fais ça. Puis je me suis lancé dans ce projet-là pour ces gars-là. Puis, regarde, la demande était là depuis une somme d'années. Je me faisais souvent dire, Bob, il n'y a pas de ligue senior. Puis, à part les marquis de la Ligue américaine, où c'est un calibre qui est quand même assez élevé. Mais on n'a pas beaucoup de gars de la région qui jouent malgré tout là-dedans. Fait que, on a encore des bons joueurs dans cette région ici. Puis moi, je voulais donner une ligue, puis la ligue est là. Fait que c'est aux joueurs maintenant de répondre, de donner un bon spectacle, puis qu'on puisse faire des bonnes rivalités, puis d'attirer du monde dans nos arènes. Oui, effectivement. Donc, on va sauver ça. Dis-moi, du côté des arbitres maintenant, comment ça va fonctionner? Les arbitres, c'est pas toujours facile de trouver des arbitres. Est-ce que là, finalement, on se met déjà à la recherche de ça? Tout est déjà engagé, mon homme. OK, OK. Il n'y a rien qui est fait à moitié. On a 8 arbitres en chef engagés. On a 12 juges de ligne qui vont voyager dans les quatre équipes. Puis, regarde, écoute, c'est Mathieu Caron qui s'occupe de ça. C'est un bonhomme qui fait un travail exceptionnel avec moi. M'aide beaucoup. C'est un gars qui met beaucoup de son temps. Je pourrais même te dire que c'est lui le cerveau à date là, dans cette ligue-là. C'est lui qui fait le gros du travail. Puis je lève mon chapeau à Mathieu Caron parce que il s'occupe vraiment de ça. Puis il fait un travail remarquable à date. Alors, lui, il s'est occupé des arbitres. Les arbitres sont tous engagés. Tout est fait. Tout est prêt à partir de la saison. Puis on est prêt. On a juste avoir nos temps de glace, puis des games qui recommencent, puis on va donner le spectacle. Du côté des règlements, moi, ce que je crains, puis j'ai hâte de voir, c'est si les joueurs vont être payés. On sait que ça a été très strict dès le départ, les joueurs ne sont pas payés. Mais s'il arriverait si Bob Desjardins, le commissaire de la Ligue, arriverait, puis t'ouvrait un cas, ce serait quoi la peine là-dessus? La peine, c'est hier, on s'est encore bien parlé les quatre propriétaires ensemble. C'est le principal danger, là. Il n'y a pas de gars qui est payé. Il va y avoir des frais de gaz, ça c'est normal aussi, parce qu'il n'y a pas un gars qui va pouvoir partir d'Alma, de Delbeau pour aller jouer à Charlevoix à ses frais. Probablement que les équipes vont voyager en autobus, ça fait que les gars ne pourront pas dire j'ai besoin de gaz tant qu'il y a un autobus disponible. Alors, écoute, il n'y a pas de salaire qui est donné. C'est sûr que le tape, c'est les affaires de hockey normal, ça s'est compris dans le hockey, mais dis-moi, je sais qu'il y a une équipe qui paye un gars, et puis après enquête, je m'aperçois que le gars il est payé, mais ce gars-là est suspendu définitivement de la ligue, puis l'équipe a un amende. OK. Les montants de l'amende, je ne vais pas en parler parce que c'est privé pour c'est de la régie interne. Mais il y a des montants qui ont été attribués hier, il y a des montants qui ont été votés pour des amendes pour les gars qui sont payés, des gars qui. Qu'on sait qu'ils sont payés, sont exclus de la Ligue automatiquement. Alors, il y en a qui veulent courir le risque, mais tout ça, c'est dans la vie. Puis, moi, je connais pas mal tous les gars de hockey senior qui vont savoir de ça. OK. Justement, si on parlait maintenant du côté des. Du côté maintenant de la logistique aussi. Donc, ça va commencer le 13 mars. Le budget d'opération, il va être de combien par équipe? Parce que le budget d'opération, ça, c'est géré. C'est géré tout seul, juste faire un match, tout dépendant si tu as des heures de glace. Si tu as des heures de glace à payer, tu as tes arbitres à payer, ton annonceur, ton marqueur, ta madame ou ton bonhomme qui vend les billets à la porte. Tu as ton staff à payer. Là. On a calculé que c'est à peu près un coût qui engrange à peu près 800$ par game. Okay. Que le premier 800$ que tu fais, tu vois, à gérer, mettons, je te mets ça en gros, là. Ça peut être moins que ça, ça peut être plus que ça, mais on a fait un chiffre de même. Fait que, tu sais, ça sert à gérer un peu tout côté que tu as payé pour la game d'hockey. Fait que, 200 personnes, elles disent, gars, tu rentres dans tes frais. Si t'as 200 personnes, mais tu fais un petit peu de profit pour essayer de payer tes choses, parce que ça coûte pas rien faire une équipe d'hockey. Alors, que d'opération, c'est géré tout par équipe, mais tu sais, des commanditaires qui vont, qui rentrent en ligne de compte. Alors, c'est le même que tu roules, puis, Si tu roules tes manches, si tu mets tes bottes de travail, ben, tu vas arriver. Le but du hockey senior, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'arriver kiff-kiff, comme on dit à bon québécois. Ouais. Alors, c'est le break-even, puis après ça, mais si tout le monde est heureux là-dedans, ben, la ligne va être en santé, puis tout le monde va être de bonne main. OK, ben c'est sûr. Mais est-ce que c'est les quatre organismes, les quatre équipes, c'est tous des organismes à but non lucratif ou c'est où il y a un peu plus? Oui, OK, c'est ça. Le but n'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de vraiment donner du hockey senior et que personne qui embarque là-dedans, qui perde des montants exorbitants. Qu'est-ce qui a fait mal dans le passé, dans des ligues seniors régionales ou peu importe, que ce soit ici, que ce soit la LCA, la BBF dans le temps, c'est qu'ils commençaient à avoir des gros salaires. C'est pour ça que les ligues existent. On essaye de faire du hockey. Tant qu'un gars qui est dans une ligue de garage, peu importe, puis qu'il paye 600-700$ par année. Mais là, il va jouer dans une ligue qui est structurée, puis il n'a pas besoin de payer. Fait que 1 plus 1, ça fait 2. C'est plus simple que ça. OK. Si on parlait des joueurs, on s'en est parlé, tu en as parlé beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs dans la région. Depuis que moi-même, dans les médias, étant donné que je suis très actif sur les médias sociaux, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont. Il y a pas mal de joueurs qui sont venus me parler, qui étaient très, très heureux. J'imagine que toi aussi, étant donné que tu es le fondateur, on a encore parlé plus à toi. J'imagine que les joueurs, cet été, étaient très heureux du projet. Ben, c'est sûr que, comme je te disais tantôt, ça fait, moi, ça fait 8 ans que, bientôt 9 ans que je reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Jonquière, précisément. Ouais. Et puis, à chaque année que mes petits gars du junior finissent, mais ça me fait tout le temps de la peine de voir que t'es à cause de 22 ans, t'as plus de ligue, ouais. Tiré au Saguenay. Puis, t'es obligé de quasiment d'arrêter de jouer ou de, oui, tu te fais des équipes de tournoi. Oui, tu fais jouer dans les ligues de garage ou dans les ligues structurées. Mais, tu sais, c'est pas le même feeling que quand tu voyages pendant un an de temps avec des gars, puis tu vas à la guerre avec des gars, puis il y a de la rivalité de jouer pour ta ville. Alors, c'est ça qui est le fun un petit peu de hockey senior. Ça crée des liens, ça rapproche les gens. Puis, regarde, écoute, des chums à 20-21 ans, mais ça reste des chums à 25-26-30 ans. Mm. C'est ça qu'on fait un peu, c'est de ramener un petit peu l'aspect familial du hockey, l'aspect social du hockey. Mm. Que tout en même temps, mais qu'on vive le trip, comme on dit, puis qu'on joue pour notre région, qu'on joue pour notre ville, c'est ça qui est le fun. OK. Dis-moi, il y a des ligues qui sont pas mal semblables à la vôtre. Il y en a une en Mauricie, il y en a une au Richelieu. Je dis ça comme ça, c'est sûr, la première année, on peut oublier ça. Mais est-ce qu'à la fin, là, il pourrait pas y avoir comme dans une espèce de fin de semaine une finale des gagnants de chaque ligue? Parce que ça, c'est des possibilités qui peuvent arriver. C'est des possibilités qui peuvent arriver. Je dis pas qu'on peut se comparer tout de suite à la Ligue Senior 3, là, l'ancienne Ligue de la Mauricie, si on parle. Ouais. Mais si on parle de la Ligue de la BBF, Beauce-Appalaches, puis la Ligue de Richelieu, je pense que c'est des calibres qui se ressemblent pas mal. Puis si on a affaire à faire de choses à un moment donné, on va commencer par bien structurer notre ligue, bien la gérer, puis un coup qu'on sait qu'on peut avancer, mais on mettrait d'autres projets sur la table. Mais là, pour l'instant, c'est pas dans mes projets immédiats. C'est, ouais, c'est de solidifier tout ça. De hockey, puis de solidifier tout ça. De hockey au gars de la région, puis que tout le monde s'amuse là-dedans. Puis solidifier la ligue aussi. Mais c'est en plein ça. Ça, je te dis, c'est pour ça qu'on part avec 4 équipes. Ouais. Je pense qu'on a 4 équipes qui sont bien solides, bien solidifiées. Et bien que les 4 équipes vont être en santé, mais on parlera après ça d'expansion, puis d'essayer d'agrandir ça. Avant de parler d'expansion, il faut bien s'assurer que nos équipes en place soient en santé. Okay. Bob Desjardins, un gros merci. On va se reparler tout au long de la saison. Le site Internet, j'ai vu passer le site Internet. C'est quoi l'adresse du site? Je ne sais pas exactement par cœur, je vais être bien fait avec toi, mais je pense que si tu vois sur mon Facebook, il est déjà là-dessus. Là, puis, okay. Tu peux voir un peu les gens de la Ligue là, qu'on a partagé les pages. Là, il va y avoir des annonces prochainement qui vont se faire aussi. Fait que si vous voyez des choses passer, mais ouais, partagez, puis passez le mot à tout le monde, puis faire de cette ligue-là un succès local. Puis je pense qu'on est capable de le faire, on est capable de gérer ça. De cette façon-là, cette année, avec Saint-Jean. La Ligue, une question qui me vient à l'esprit, là, la Ligue, pourrais-tu avoir un commanditaire majeur? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Bon, non, on est tout le temps à la recherche de ça. C'est sûr qu'on ne cherche pas là-dessus. Ouais. Sauf que des fois, des commanditaires majeurs, mais ça s'associe pas mal plus. Si on parle dans notre région aussi, les SAG, ils passent en premier. Ouais. Les Marquis Seigneurs, le Budget 3, les Janois, ça en fait pas mal. Là. Mm. C'est que les commanditaires majeurs, des fois, sont déjà tout pris. Ouais. Mais nous, on est une nouvelle ligue. Fait que on essaye de trouver qu'est-ce qu'on peut pour l'instant. Puis si on gagne en crédibilité et en respect, mais dans ce temps-là, des commanditaires, mais c'est plus facile à s'associer à une ligue qui est bien gérée et qui est bien gérée. Ben Bob Desjardins, gros merci. On va s'en parler tout au long de la saison. Demain, cette semaine, on devrait parler à l'équipe de Delbeau. Donc, Bob Desjardins, le nouveau commissaire de la Ligue senior du Lac-aux-Fleurs.